évacuer. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, la province, tous, ainsi qu'Arpo. D'entrée, je rentre avec un gros hâte dans vos mères. Ils veulent me mettre la mise au lierre, mais ils arriveront pas parce que j'ai trop de pression dans la bouche comme un boule taillé. Chercher le pinceau, c'est métaphore qui pratouille la rue. Cousin, c'est là où je suis né. Grandi sur les fêtes, la torture et les poils soudures. Percé par les coups de ceinture, c'est la vie de la plupart de mes côtés tenus dans ma rue. Ça s'injure à toute patate. Où sont passées les traditions, je vous les rappelle à toute patate. Les statistiques sont graves, les boucaves, les bavures policières de plus en plus graves. Faut les charcler, ainsi que ces violeurs, ces pédophiles et ces fils de pute de curé. Ils parlent de liberté, fraternité, égalité, c'est pas la même peine pour vos jurés.